Petite somme théologique de saint Thomas d'Aquin, par l'abbé Frédéric Le Breton, tome 4, supplément. Question 72, de l'invocation des saints. Les saints connaissent nos prières, il convient de les invoquer, efficacité de leur intercession. 1. Les saints connaissent-ils nos prières? Les saints prient pour nous. Donc ils connaissent nos besoins et tout ce qui se fait parmi nous. En effet, ils voient dans l'essence divine qu'ils contemplent toutes les choses que, conformément à l'ordre et à la droiture, ils désirent savoir. Or, comme il est de leur gloire d'aider dans la voie du salut les hommes qui ont besoin de secours, ils reçoivent assurément toutes les connaissances qu'exige leur ministère. Ils n'ignorent donc ni les vœux, ni les dévotions, ni les prières de ceux qui les invoquent. Note. Leur volonté étant toujours conforme à celle de Dieu, quelle que soit leur charité pour les hommes, ils ne nous prêtent leur protection que selon les desseins de la justice divine. Il faut croire qu'ils aident surtout leurs proches auprès de Dieu. Fin de la note. 2. Devons-nous prier les saints d'intercéder pour nous? Les saints du ciel sont plus agréables à Dieu que ceux de la terre. Or, à l'exemple de l'apôtre, qui disait, « Je vous conjure, mes frères, par notre Seigneur Jésus-Christ et par la charité de l'Esprit-Saint, de m'aider de vos prières auprès de Dieu. » Romains 15, 30. Si nous devons implorer l'intercession des saints qui sont sur la terre, à plus forte raison devons-nous conjurer ceux du ciel de nous prêter le secours de leurs prières. Nous voyons, en effet, que l'Église les invoque dans les litanies. L'ordre établi dans tout l'univers par la divine providence veut que les êtres inférieurs soient conduits à leur fin par les êtres intermédiaires qui s'en approchent de plus près. D'après cette loi, les saints du ciel doivent nous élever à Dieu, et c'est ce qui a lieu quand le ciel répand ses faveurs sur nous par leur ministère. Nous devons, en conséquence, les invoquer comme nos intercesseurs et en quelque sorte nos médiateurs auprès de Dieu. Note. Il est utile d'invoquer parfois les saints les moins élevés, soit qu'ils inspirent plus de confiance, soit pour éviter l'ennui des mêmes prières, soit à raison d'un privilège particulier qui leur a été accordé de protéger contre certains maux, soit dans le but de les honorer tous, soit enfin pour obtenir par les prières de plusieurs ce que l'on n'obtiendrait point par celle d'un seul. Fin de la note. 3. Les prières des saints sont-elles toujours exaucées? Les saints prient pour nous de deux manières, d'abord, dans leurs prières expresses, où ils implorent la clémence divine en notre faveur, ensuite, dans leurs prières interprétatives, c'est-à-dire par leurs mérites, qui, toujours présents devant Dieu, sont pour nous des suffrages, comme le sang même de Jésus-Christ. Expresses ou interprétatives, leurs prières ont par elles-mêmes assez de puissance pour obtenir ce qu'ils demandent, mais nos fautes peuvent empêcher l'efficacité de celles qui ne sont qu'interprétatives. Leurs prières expresses sont toujours exaucées, ne voulant que ce que Dieu veut, ils ne demandent que les choses qui peuvent être accomplies. Note. Ils ne sollicitent point ce qu'ils ne peuvent pas obtenir, voilà pourquoi leurs prières sont toujours exaucées. Ne dites pas que la volonté de Dieu s'accomplirait également sans leur médiation. Dieu peut avoir ordonné, dans les desseins de sa providence, que les prédestinés seraient sauvés par les prières des saints. Il veut remplir, par leur intercession, ce qu'eux-mêmes aperçoivent dans sa volonté. markemdanarchive.org 2021. D'après Books Google FR, licence Creative Commons pas d'usage commercial, partage à l'identique.